les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Annie Cordy et Luis Mariano, réunis sur scène, oui, bon, ça c'est possible, mais réunis dans une scène de Phèdre, de Racine. Oui, Phèdre, de Racine, Annie Cordy et Luis Mariano, eh bien c'est possible. La série de Jacques Rouchouz, l'opérette C'est la fête, l'été 1986, nous les présentait, les deux, sur un plateau et sur France Culture. Patience, ce n'est pas au début de l'émission, mais ça viendra. Et puis, en bonus, vous aurez droit à Pauline Carton. Heureux ? L'opérette, c'est la fête, par Jacques Rouchouz. Je suis gay, soyez gay, il le faut, je le veux. Après les musiciens bordelais que nous évoquions jeudi dernier, voici aujourd'hui un petit salut à quelques chanteurs. Ils sont nés à Bordeaux ou bien ils ont fait leurs études au conservatoire. De toute façon, ils ont, comme on dit, bien mérité de l'opérette, cette musique si grisante. Mais il est gris, le malheureux. Gris ? Suis-je gris vraiment ? La chose est bien possible. Mais là, faute est au bonne sœur qui me comblère de douceur auquel je fus très sensible. Ah, ah, quel déjeuner j'ai fait. Quel café, quel buffet, où t'étais vraiment parfait, j'en devais stupéfait, et je m'attardais devant ce joli festin, rêvant que j'étais moine fervent, que j'étais moine fervent, l'aumônier de ce. L'aumônier de ce couvent. De la chair qu'on m'a donnée, voici le menu merveilleux. C'est la truite saumonée, avec un marsala très vieux, très vieux. Puis un jambon de Mayence, escorté de quatre perdrix. Que je baptise en conscience d'un fin Bordeaux du plus haut prix, d'un fin Bordeaux du plus haut prix. Après le chapon de la Bresse, et pour finir, vint le homard. Je les arrose avec largesse de Chambertin et de Pommard. Je les arrose avec largesse de Chambertin et de Pommard. Car j'ai vu troupes respectables, j'ai vu dans leurs flacons potrichés, vu défiler sur ma table les meilleurs vins, les meilleurs crus. Ben de Sicile et ben d'Espagne, jusqu'à Bordeaux, Mâcon, Champagne. Ben de Sicile et ben d'Espagne, jusqu'à Bordeaux, Mâcon, Champagne. C'était vraiment parfait, j'en demeurais stupéfait, et je m'attardais de. Moi le fervent, l'aumônier de ce Le célèbre baryton Robert Massard, né à Pau, a fait une carrière mondiale après avoir débuté à l'Opéra de Paris il y a 35 ans déjà. Il enseigne maintenant à Bordeaux, mais on est en droit de s'interroger sur l'efficacité de son enseignement si on l'écoute. Paresse, voilà ma maîtresse, je vais la servant en la suivant le désormais. J'aime la montagne, les bruits, la campagne, je chante les bois à pleine voix. J'aime le tonnerre, les cieux et la terre, mais il est un bien qu'à tout je préfère. C'est un rien, un souffle, un rien, une blanche main qu'on avance à main. C'est un rien, un souffle, un rien, une boucle d'or sous le vent légère. C'est un rien, un souffle, un rien, une blanche main qu'on avance à main. Oui, dans la paresse est tout. Sagesse, pareil, les gens sont indulgents, intelligents. Sous le vert feuillage, sous le frais ombrage, pur retour, moi je m'endors. J'aime tout le monde d'amitié profonde, mais il est bien qu'à tout je préfère. Blanche main qu'on a dans sa main, c'est un rien, un souffle, un rien, une boucle d'or sous le vent légère, c'est un rien, un souffle, un rien, une blanche main qu'on a dans sa main. Un autre grand artiste d'opérette et de variété, qui était notre invité l'an dernier, a lui aussi étudié à Bordeaux, venant de Biarritz. André Dassary, qui créait Chanson Gitane il y a 40 ans. Salut André. Pardonnez mes bien chers amis, mon oubli. Pardonnez avec bonne humeur aux chasseurs. Plus quant à la chasse, je poursuis le lièvre fourbu que je tiens au bout des fusils. Le braconnier, c'est mon destin, l'emportant moi sur le mondain. J'en conviens, mais je n'y peux rien. Tant que le printemps, l'été, l'automne et les autant feront sur moi semer gaiement le goût du temps, le cœur plantant. Très content le long des bois et des étangs, au gré du vent, j'irai chantant, l'hymne éclatant de la nature où chaque instant gravit mon être palpitant, le ciel inconstant, mais l'excitant et mes 20 ans. Voilà ce que j'aime. Du salon l'horizon. Quel

Il faudrait pouvoir citer toutes les gloires bordelaises. Quelques-unes dans le désordre, Hortense Schneider, Maurice Renault, Alvarez, Galipo, Talazac, et puis Loulou et Goburu, Daniel Vigneault, Marcel Lamy, Fred Allison, et notre ami Lestelli, qui fut aussi notre invité, et que nous retrouverons avec Yvonne Printemps. L'opérette C'est la fête par Jacques Rouchouze, réalisation Nathalie Trianda, première diffusion sur France Culture le 18 août 1986.